Yo yo, Phonik 11-11-18, Noisy Curse 11-11-18, pas une taf mais un lieu, un rond-point, un petit coin en banlieue. Tous mes familiers, même l'amertume de ce milieu. Je suis à mes amis mais de la mer à 20 000 lieues. 11-11-18, pas une taf mais un lieu, un rond-point, un petit coin en banlieue. Anodin et lointain pour les yeux de Dieu, mais pour les miens c'est certain, sous les cieux le mieux. Voici le récit de ma vie la jeunesse. Loin des villas de Genève, je te compte dans ma ville la jeunesse. Noisy-le-Queuse, Noisy-le-Secteur ou Noisy-la-Falaise. Appelle-la comme tu veux, ça reste en classique NLS. Bref, j'ai atterri en 88, à deux pas d'un arrêt de bus. 11 novembre 18, 4 ans, 26 dans et Waikiki sur le switch. Noisy-le-Sec, c'est grec, c'est course-poursuite. C'est le temps du primaire, des pères et des mères déprimés. Du mère pris dans le primaire, je crie, écris, décris et me permets de rimer. Où l'effet Christ fait beaucoup se l'exprimer. Le temps est gris, les gens aigris, mais n'osent pas s'exprimer. Rien que ça me passait à déco, à croire que je faisais déco. En décalage, j'avais pas l'âge de capter ce que maintenant je négo. Je calculais pas ma chance d'avoir encore mes deux parents. Je trouvais limite ça marrant de voir ses frères qu'une fois par an. Mais dans la cour de récré, on est tous à la même enseigne. De la Sona Pierre, la prof, c'est la même qu'en scène. On dit rien quand on saigne. Tout le monde connaît la consigne dans cette ville où bien souvent c'est une croix qu'on signe. À l'école, en mal d'idole, on prenait Che Guevara. C'est l'époque des balistos, des premiers Che et Zarma. On mélangeait des mots en rabzin, en rapouin, en verlan. Et aujourd'hui, je rappe ça pour mon rond-point de Merlan. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Tous mes familiers, même l'amertume de ce milieu. Je suis à mes familiers, mais de la mer à 20 000 lieues. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Anodin et lointain pour les yeux de Dieu. Mais pour les miens, c'est certain, sous les cieux le mieux. C'est le temps de la plaine des jeux où fallait pas salaire nos fringues. Et surtout alerter les profs si on trouvait une seringue. Mais comme y'en avait tout par moutard, nous par jeu. On fouillait boulevard ou square, faut croire qu'on était barge. J'ai pas grandi en Thèse, j'en apprendis à Dès. Encore en quête de texte, face de Gandhi à Dès. Au collège, j'ai su faire ce qu'il est collage. Encore l'aide, j'en sais ce qui fait office de décollage. C'est cet écart qui m'égare quand je voyais la vie de mes proches. Et selon la vie de mes potes, valait mieux garder vite mes poches. Dans ce quartier en couleur, perdu au fond du bassin. Où ce que toi, sous cœur, au cœur et fondu de Brassens. Seul de mon déco, je m'initie à la bombe. Évitant les mauvais plans qui mènent d'ici à la tombe. Désolé si ta main t'as vu ta vie Guetta. En quête de rap lourd, que nique pas David Guetta. Je vois ta vie ghetto, ni ton avis que d'un. T'avais peut-être tous tes potes des pères, mais tu n'es le fils que d'un. Je l'ai appris malgré moi, y'a déjà 5 ans. Mes talents, mes temps là, mon émoi cinglant. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Anodin et lointain pour les yeux de Dieu. Mais pour les miens c'est certain, sous les cieux le mieux. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Tous mes familiers, même l'amertume de ce milieu. Je suis à mes amis mais de la mer à 20 000 lieues. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Anodin et lointain pour les yeux de Dieu. Mais pour les miens c'est certain, sous les cieux le mieux. 20 ans, plus qu'une époque de ma vie. Tu l'auras compris, je suis croque de ma ville. J'ai des cloques plein la mine où je stocke ma rime. Là où tous les jeunes rêveraient de mettre en cloque marine. Jamais de farine de coke dans les narines. Ici y'a plus d'origine que de phoque dans la marine. Du Maroc à la Chine, du croque au tagine. Ici troc, bloc, jean, tout se troque, tout se chine. Paraît que demain c'est loin, mais hier c'est tout près. J'parais que c'est la même, j'en mettrai ma tête au couperet. Une odeur de nostalgie se dégage du couplet. Un truc qui fait que ma zone malgré sa faune du couplet. En quatre chants couplets, c'est la poussière que beaucoup plaît. D'une mère pleure son fils prodige. Et vous croyez que vos couplets, God bless Saint-Saint-Denis, ils croient rénover à coup de blé. Mais ce qu'on est né le jour où Dieu et le diable se sont accouplés. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Tous mes familiers, même l'amertume de ce milieu. Je suis à mes amis mais de la mer à 20 000 lieues. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Anodin et lointain pour les yeux de Dieu. Mais pour les miens c'est certain, sous les cieux le mieux. 11-11-18, pas une date mais un lieu. Un rond-point, un petit coin en banlieue. Tous mes familiers, même l'amertume de ce milieu. Je suis à mes amis mais de la mer à 20 000 lieues. 11-11-18, pas une date mais un lieu.